En partenariat avec le CFMI de Tours, la web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo présente les séquenzistes. On met de la musique ? Ouais, ouais. Au fait, t'as bien dormi ? Bof, non, pas trop. Non. Oh, c'est pas terrible, j'ai fait des rêves bizarres, mais franchement bizarres. Ouais. Bizarre. Eh ben ouais, ça revient, c'est loin en fait, mais en fait, ça faisait comme un cauchemar. J'ai rêvé de musique et j'avais l'impression qu'on me prenait ma musique, on me la volait. Bizarre. En fait, je suis vachement stressée parce que c'est ça qui m'énerve, c'est que j'ai ma composition là, à rendre dans une semaine, dans 2 jours, j'ai la partition piano à faire et c'est page blanche, je n'y arrive pas. Seulement cette nuit, j'ai rêvé quoi. Et on me volait ma musique, terrible quoi, un vrai cauchemar. Hein. Sois cool, détends-toi, ça va le faire, tu vas trouver, mais quel cauchemar c'était ? Je sais pas. De quoi ? Je me souviens pas bien. Ce que je sais, c'est que hier j'étais plutôt détendue. J'étais détendue parce qu'on est sortis. T'as fait quoi hier du coup ? Ben, on est allé à la Générale de Philémon et Baucis, à l'Opéra à Tours. Ah mais c'est chouette ! Ouais ? Mais c'est génial. De quoi ça parlait, tu te rappelles ? Alors. Ouais, c'était un couple de vieilles personnes qui s'aimaient, ils s'aimaient bien, ils s'aimaient fort même. Et ouais, il y a des dieux qui sont arrivés là-dedans et ils leur ont... ils avaient le pouvoir sur leur vie, sur leur jeunesse, incroyable. Ah ouais. Mais c'est génial, mais le rapport avec ton cauchemar, du coup, c'est... Je comprends pas, faut que tu m'expliques. Attends, ça revient, ouais. Si, je crois qu'il y a un rapport. Ça y est, en fait, ma musique, c'est Berio qui me l'a volée. C'est Berio, j'en suis sûre, c'est Berio qui me l'a volée. Le compositeur, Berio ? Oui, non. Oui, je t'assure, si. Je l'entends, ma musique. Attends, ça faisait comme ça. C'est pas tout à fait, il a pas volé ta musique. Bah quand même un peu, si je trouve, moi. Hein. Mais non. Il prend tes notes, mais il les remodifie d'une autre manière. N'empêche que. On joue ensemble. Sur Berio ? Ouais, avec lui. On fait une séquenza ? Ouais. Alors violon, piano et basson. Trop cool. Ah, on essaie. On va voir Berio, attends. Allons-y. T'en penses quoi ? Bon, je c'est bizarre. Vous vous dire. On m'arrête ? Ouais. Alors, comment il s'est fini ton rêve, du coup ? Ah, mon rêve, il s'est fini comme ça.